CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. David Ferron se faufilera derrière toi pour insérer la langue dans ton oreille. Simon Fisbé recevra le duo légendaire Sexe illégal pour une entrevue assez particulière. On apprendra ce qui se passe côté culturel avec Joanie Gagnon et alors on sort Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 28 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour lundi. C'est la tradition presque le jeudi d'être seul, vous et moi. Donc profitons-en ensemble. On va recevoir aujourd'hui à 8h David Ferron pour sa chronique « La langue dans ton oreille ». C'est une chronique de musique francophone. Ensuite de ça, à 8h30, Simon Fitzbé en invité spécial pour sa carte postale musicale. Donc deuxième partie de la saison, je crois, qu'il nous envoie cette carte postale musicale. À 9h, Joanie Gagnon et son segment « Alors on sort ». On va parler, c'est sûr, des sorties à faire en région ailleurs, que sur des spectacles de musique, d'humour ou n'importe quoi. Et puis à 9h15, juste après ça, on va entendre l'entrevue qu'a fait Simon Fisbé avec Sexe illégal, le duo légendaire. Donc ce sera une émission quand même assez remplie, pas nécessairement de moi tant que ça aujourd'hui. Donc encore une fois, profitez-en. On va débuter ça en musique à l'instant avec l'extrait de Jobin sur le palmarès anglophone. Voici Soweto. C'est fou. Bang. Soweto. You know? Comme glacé et difficile à enlever les vitres du char. Soweto. Jobin et la pièce Soweto à Assemblage requis sur C'est fou. Ok, oui. Ce matin, on va commencer en se donnant déjà des conseils, vous savez, pour bien commencer la journée. Donc voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Bah, t'as arrangé ça, moi, ces affaires-là. Commençons avec 11 façons pour attacher un foulard ou une écharpe. Je l'ai dit ça à Jean-Philippe qui tripe sur les écharpes depuis cette semaine. Il a redécouvert ça. Donc, c'est Real Men Real Style qui nous présente ces 11 façons-là de faire des nœuds dans un foulard. Par exemple, si vous avez un foulard moyen, ben là, la première étape, c'est vraiment le premier modèle, c'est vraiment juste de le laisser pendre autour de votre cou. Hein? Quand même simple, ça, c'est parfait pour les températures entre 2 et 13 degrés Celsius, nous dit-on. Étape 1, laissez le pendouiller. Deuxième, refermez le manteau. Troisième, attachez le manteau. C'est vraiment simple. Hein? Et ensuite, le numéro 2, c'est une fois autour. Parfait pour entre, encore une fois, 2 et 13. Ça, c'est le classique hipster. Ensuite, tu as le overhand. Ça, c'est où tu fais un nœud dans le milieu et tu passes l'intérieur dans la boucle. Et il y en a plein d'autres. Je vais vous laisser le lien sur assemblagerequis.com. Il y en a 11, comme j'ai des façons de plus en plus compliquées de serrer son foulard. Il y en a même un où tu te le contournes genre autour du cou et que tu l'attaches à ta taille. Hein? Ça, j'avais jamais vu ce genre de nœud de foulard. Là. Maintenant, si vous avez des enfants et que vous voulez leur donner un petit peu d'argent de poche, vous savez, à chaque semaine, les enfants demandent d'argent de poche. Là, c'est rien de bien ésotérique que tout ça comme chose à vous dire. Ici, c'est pas genre, c'est un fait. Wow, les enfants ont des... de l'argent chaque semaine. Bref, c'est les étapes à suivre ou les règles à suivre pour leur donner de l'argent de poche. Par exemple, règle numéro 1, c'est 1$ par année d'existence de cette personne-là. Pas pire. Donc, un enfant de 12 ans, 12$. Ensuite, l'argent de poche est donné une fois par semaine. OK, pas plus que ça. 3, ça devrait pas avoir rapport avec les tâches ménagères, les notes à l'école ou n'importe quoi comme ça. C'est fait pour qu'ils apprennent à gérer leur argent et non pas à mériter leur argent pour du travail. C'est pas des esclaves, hein? Nous dit-on, moi, je vous dis vraiment pas comment éduquer vos enfants, là, mais c'est ce que les conseils nous disent sur Internet. Ensuite, c'est les enfants qui devraient gérer l'argent et pas vous. Donc, vous devriez pas leur dire... quoi acheter. Ensuite, vous n'achetez plus de choses pour eux. Donc, dans le fond, quand vous commencez à leur donner de l'argent de poche, c'est qu'on on coupe le reste. Tu peux pas ils peuvent pas te demander un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. C'est eux qui doivent se l'acheter avec leur propre argent pour qu'ils sachent comment gérer leur argent. Ensuite, on ne prête pas d'argent. Pas pire. On leur laisse perdre leur argent ou la dépenser ou la donner à quelqu'un d'autre ou n'importe comment, la dépenser comme ils le veulent, c'est leur façon. C'est un petit peu la même chose que gérer leur argent, le numéro 4. Rester émotionnellement détaché de leur argent ou de leurs dépenses. Donc, tu leur dis pas genre « Ah, ben, tu devrais pas acheter cette chose-là parce que c'est pas bon pour toi. Ça ressemble pas mal tout. La liste, là, la 9e, c'est « Se la fermer ». Et la 10e, c'est « Regarder, écouter, apprenez leur progrès avec l'argent pour justement mieux... qui commencent mieux leur vie au travail, sur le marché du travail plus tard. Bon, bref, c'est selon Internet, encore une fois, je vous dis pas comment éduquer vos enfants. Par contre, je peux vous éduquer sur les règles du shotgun. Hein, vous savez, shotgun, c'est quand on crie shotgun pour avoir le siège en avant à côté du conducteur. C'est le siège passager d'une voiture ou d'un véhicule. Donc, les règles du shotgun. Le premier joueur à dire shotgun a le droit de prendre le shotgun. Ça, c'est clair quand même. Les joueurs doivent être à l'extérieur avant de dire shotgun. Tu peux pas le dire dans la maison. Les joueurs doivent voir le véhicule, doivent avoir vraiment une ligne de vision vers le véhicule avant de dire shotgun, qu'il soit en dedans ou en dehors. Tu peux pas être au coin de la rue ou au centre-ville, puis le stationnement est à l'autre bout de la ville. Ensuite, les joueurs doivent avoir leurs souliers avant de dire shotgun. Ok, ça, je connaissais pas cette règle-là. Une fois que le voyage en voiture ou en véhicule est terminé, tous les shotguns sont annulés. Sont nuls, c'est découvert complètement, on recommence à zéro. Shotgun ne peut pas être demandé si la main du joueur est déjà sur la personne qui a déjà dit shotgun avant. Non, attends, c'est ça? Tu peux pas avoir la main sur la poignée et dire shotgun. C'est ce que ça veut dire selon ce que je comprends de cette phrase-là. Et le dernier, c'est si un joueur prend le siège, donc s'assoit sur le siège shotgun avec quelqu'un et dit shotgun, il peut rester dedans pour tout le reste du voyage. Si personne a dit shotgun, la personne qui s'est assise dessus le mérite. Tu sais? La première arrivée, premier servi, on se comprend. Donc, ce sont les règles du shotgun. Hier, on cherchait des traductions pour tout. Je sais pas comment on appelle ça en français, le shotgun, mais bon. La règle du passager roi. Ensuite, comment faire du popcorn, du bain soufflé aux Snickers. Vous savez comment Snickers, c'est une combinaison gagnante de chocolat, caramel et tout et tout. Donc, faites bouillir, si on veut, dans un chaudron, une barre de Snickers que vous avez coupée en très petites tranches. Donc, pas des cubes ou rien, juste des petites tranches, là, un petit peu comme on trancherait un pain. Mais Snickers, c'est comme un mini pain. Donc, très mince. Vous faites bouillir ça dans un chaudron. Ça va faire une genre de grosse gélatine caramélisée. Et on verse ça directement sur le popcorn. C'est même pas une recette, ça. C'est juste des photos. C'est même pas une recette. Faudrait être cave pour réussir ça. Mais regardez-moi faire. Je vais avoir du Snickers dans le fond de mon chaudron pour les prochaines années. Maintenant, le défi de l'organisation en 21 jours. Quand même intéressant ici, c'est de savoir comment faire son ménage. Vous savez, dans la vie, quand on commence à faire du ménage, on se donne. En tout cas, moi, c'est comme ça. Une fois que j'ai commencé, j'arrête plus. Je fais toutes les tâches que j'ai à faire. Mais des fois, quand vous voulez faire la maison au complet, comme le ménage du printemps ou de l'automne, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. Puis si vous arrêtez pas, ben quand même, vous allez passer le mois là-dessus. Vous allez pas dormir. Donc, c'est le défi de l'organisation en 21 jours. On vous dit le premier jour de nettoyer votre petite pharmacie dans la salle de bain. Donc juste ça, tu sais, autour de ça, vous faites votre ménage quotidien ou hebdomadaire quand même, mais pendant les 21 jours de ça, vous faites un petit peu par petit peu le ménage de la maison, donc la pharmacie de la salle de bain. Ensuite, le garde-robe à manteau. Troisième, c'est en dessous des lits. Ensuite, salle de lavage. La sacoche, ensuite en dessous des lavabos dans le réfrigérateur et congélateur, les armoires de la cuisine, trucs de maquillage, dans le fond le garde-robe à balai. Et là, je pourrais continuer longtemps, c'est vraiment pas intéressant de vous dire tout ça, mais le garage, etc., là, la cour arrière, tout ça petit peu par petit peu, vous allez avoir une très belle maison en dedans de même pas 3 semaines. Oui, j'avais préparé le cas échéant ici, si on avait à faire cette chronique-là des sous assemblages. On va faire une petite chanson sur téléphone cellulaire que j'ai appris, puis Caroline, ça va faire tellement de la bonne radio, moi, vous savez comment j'aime ça. Ah oui, je vais sonner écho parce que je mets deux micros à côté de l'autre, attention. Je vais juste essayer de ne pas faire de feedback dans le micro. Hein. Donc si ça sonne super bien à date. Hein. Donc c'est 112163. Est-ce que ça va le faire? Si ça le fait pas, je suis mal pris. Ah ben Caroline. On annule le projet. Ça marche pas. Je comprends pas comment ça fait que ça marche pas. Mais bref, je voulais vous faire entendre... Ah oui! Et là, je perds beaucoup trop de temps là-dessus, mais c'est ça qui arrive quand je suis seul. Là, je dois tout faire en même temps. Donc, je vais lever ça ici et monter ça. Est-ce qu'on va l'entendre? Même pas. C'est donc bien plate, ça. Ben, mange donc. Mange donc ton déjeuner, bien sûr. Aucune vulgarité ici. Donc, je vais vous jouer Bonne Fête sur le téléphone. C'est super niaiseux. 1-2-1-6-3, 1-2-1-9-6, 1-1-10, 9-6-3-2. Le lien est sur assemblagerie.com. Débrouillez-vous. Retour à notre petite chronique instruction assemblage avec ce moment extrêmement raté qu'on appelle un epic fail. Mais bon, je suis habitué. Ensuite, on continue avec un truc de voyage pour les dames ou les personnes, en fait, qui transportent des colliers. Et celui-là est vraiment excellent. Je trouve que ça va être une très bonne façon de terminer ce petit bloc d'instruction d'assemblage. C'est donc pour éviter que vos colliers s'en mêlent ou fassent des nœuds. Ce que vous allez faire, c'est prendre une paille à boire, OK? Mettre le collier à l'intérieur de la paille et ensuite l'attacher de l'autre côté. Donc, ça fait, tu sais, un carré avec paille et l'autre bord collier, si on veut. Pour vrai, c'est vraiment un très bon truc. Moi, j'adore ça. À la place de vous acheter une petite sacoche à collier qui coûte beaucoup trop cher en cuir dans un magasin, comme j'ai fait récemment. Allez-y avec une paille. Paille à boire. Rien de plus simple. Voilà pour les instructions d'assemblage. C'était en partie intéressant. En partie pas intéressant aussi. Il y a encore une fois sur le site assemblagerequis.com. Tout est là et beaucoup plus. Toujours à Assemblage Requis, la raison qu'on a fait instruction d'assemblage là, c'est que je croyais que Justine Renaud était de retour cette semaine. Je l'ai mentionné en nom qui était de retour le 28, mais ça va être, en tout cas, ça devrait être la semaine prochaine. Toujours le jeudi à 7h30. On parle du 5 décembre pour Justine Renaud et sa collègue Justine aux platines. Mais c'est pas grave, pour compenser, on a un petit peu de musique à vous faire entendre encore une fois et on écoute notre nouveau préféré en ce moment, c'est Jacques Maure, qui est enfin de retour avec du nouveau francophone, parce que Colin, que ça fait dur côté francophone par moment. Donc voici leur chanson de Jacques Maure, Adieu mes chats, sur C'est fou, 89.1 FM, dans vos oreilles. Jacques Mort et Adieu mes chats à Assemblage requis. Ça, c'est un retour pour Jacques Mort avec leur album La Montagne de Feu. Ils étaient une nouvelle entrée la semaine passée en 19e place. Maintenant, c'est en 3e du palmarès francophone. Et Colin, depuis que c'est entré sur le palmarès la semaine passée, j'arrête pas de me dire à tous les jours, il faudrait bien revenir un petit peu écouter du bon vieux Jacques Mort. Donc voici, il était deux fois. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, il y a deux. Le concept, c'est de le faire une fois. Vous savez, dans le bloc, il y a deux fois, on fait jouer deux pièces d'un seul et même artiste et ou groupe. Et aujourd'hui, on va écouter donc du Jacques Mort sur leur précédent et en fait leur seul autre CD. C'est un maxi qui s'appelait Dans de lait, qui est sorti en 2010, je crois, ou non, peut-être un petit peu avant. Je dirais avant, mais bon. Donc, on va entendre deux extraits de ce maxi pendant que je cherche la date de sortie dont on se fout complètement. Et on va débuter ça avec Biscuit Chinois. C'est une de mes cinq préférées parce qu'il y a cinq pièces sur le CD, ça. Assemblage requis sur C'est fou. Jacques Mort et Brise-Glace dans Il était deux fois. Wouhou! Assemblage requis, donc deux pièces de leur précédent album qui s'appelait Dents de lait. Et leur nouveau, on le rappelle, porte le nom de La Montagne de Feu. Et c'est là-dessus qu'on trouve Adieu mes chats, une nouvelle chanson que David Ferron se fait plaisir à aimer, je pense, hein, c'est ça? Oui, parce qu'il y a des chats dedans, notamment. Ben... Oui. Comme dans ton intro de chronique. Oui. Qui s'en vient après la pause? Yeah! Yeah! Restez là pour la langue dans ton oreille. On a raté ton miaou, puis j'ai fermé ton micro. Va, vas-y. Miaou. OK. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce jeudi 28 novembre 2013. Mathieu Plante avec vous seul en ce jeudi matin, mais seul d'animation, hein, parce que j'ai un chroniqueur avec moi quand même. Oui. Il faut le considérer à part entière comme un être humain avec existence potentiellement existentielle. C'est un zombie, c'est ce que ça veut dire. On s'est presque touché la main. C'est quoi ça? High five! Oui! Top là! Yes! Yeah! C'est David Ferron! Voici la langue dans ton oreille. Macha! Ah ouais. Pourquoi c'est... Macha déjà? Tu l'as appelé Macha pour... Pourquoi là? Ben, Macha comme le chat Grenon. Macha Grenon? Oui. Ah, c'est Grenon son nom? Oui. Macha Grenon. C'est oui, pas si Macha. J'avais un chat. Okay. Si j'avais un chat, j'aimerais ça l'appeler Grenon. Ben, t'as un chat. Dans ton intro, il y a un chat. C'est pas un chat de gouttière là, qui vient rôder devant le studio à chaque semaine le jeudi matin. Non, malheureusement, non. J'ai... En fait, j'ai jamais rencontré ce chat-là. OK. La vérité, c'est qui est ce chat? Un pur inconnu. Comment il vit? Mm-hmm. Et quels sont son mode de vie, ses couleurs, ses convictions? Ses couleurs? On n'avait pas déterminé sa couleur à Chalet il y a quelques temps. Je me rappelle pas quelle couleur il était. Je suis sûr que tu t'en rappelles plus que moi. Sûrement un roux. Je pense que sûrement parce que je l'aimais bien. Ah oui, tu sais, j'aime les rousses. Les roux, oui. Ouais. Ah oui, je m'en rappelle. Bon. Oui, ben surtout les rousses. T'aimes surtout les rousses, oui. Les chats roux. Et les chats, oui, OK. Donc... Ah, là, c'était la, dépassé. La, la, la, ah, là, là. Immaturité, contexte universitaire. Donc, bonjour les enfants. Bonjour David Ferron. Tu nous présentes une chronique thématique, comme toujours, la langue dans ton oreille. C'est un thème dans la musique francophone. Oui, après avoir fait une thèse de doctorat sur les trois accords. C'était réussi en plus la semaine passée, pour vrai, là, aller écouter la rediffusion, la balado-diffusion de l'émission du jeudi passé. Ah ben merci, j'ai eu du fun à faire la chronique, ouais. Sérieux. J'étais stressé un petit peu, mais c'était vraiment le fun. Et là, je reviens à mes habitudes, c'est-à-dire présenter trois chansons selon une thématique précise, c'est-à-dire les vêtements, parce qu'on en porte tous. Oui, la plupart, hein, oui. Je tiens à dire que Mathieu et moi ne sommes pas tout nus. Non, on n'est pas les nudistes du studio. Et non, et aussi à cause de la Charte des valeurs québécoises, c'est quoi l'élément qui revient le plus? La manière dont les gens s'habillent. En OK, fonction... je pensais que tu disais c'est parce que j'avais un entrejambe en forme de croix. Là. Ah, ça, je... Dirt! Un signe, on se tente à toi! Oui. OK. parce qu'on était... oui, dans la chronique, c'est ça. Je parlais de vêtements parce que l'idée m'est venue dans ma tête spontanément à 4 heures du matin. Là. Comme bien des choses. Hein? C'est comme une barre aéro. Hein? Ta tête, c'est remplie de bulles d'air. Oui, aux amandes. Ah oui. Aéro aux amandes. OK, je sais pas... À la menthe. À la menthe, oui. Oui, parce que ça prend toujours quelque chose de spécial pour parfumer mon cerveau. C'est ça. Oui, en fait, je vais commencer par une chanson, justement, vêtements. Et là, faut que je le dise avec l'accent européen. Pull marine. Pull marine. Oui, je suis pas capable de dire Paul marine. Non. C'est pull marine. Je trouve ça plus facile de dire pull marine. Gustave, prends le micro. OK, Gustave, le cousin français anciennement siamois de David Ferron, vas-y. Oui, ça va bien, Mathieu? Oui, hey, Gustave, enchanté, oui. De nouveau. Yeah, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, fait qu'il faut que c'est comme si on se représentait pour la première fois. T'sais. Mais oui, alors je vais présenter Pulmarine d'un groupe qui s'appelle Pompe Moderne. Pompe Moderne? T'aimes ça les pompes modernes, toi, hein? Oui. Sur ton entrée. Surtout les pompes funéraires pour mettre David dedans. Ah oui, pompe funéraire. Moi j'entendais pompe funèbre l'expression, mais c'est comme tu veux. Hein. Ah, ah, ah, ah. Alors, parlons de Pompe Moderne. D'abord, présentons le groupe qui fait des reprises à la manière de Georges Brassens. Dans ce groupe, il y a Georges Brassens. Lui-même, on fait, si on peut dire, parce que Georges Brassens est mort depuis 30 ans. Oh, spoiler alert! Car le chanteur du groupe Pompe Moderne parle au jeu pour incarner Brassens. Brassens, version postmoderne, va s'entourer de Popo le Maudit à la contrebasse et de Mustapha Lafayette au saxo alto. Le trio va mettre en ligne des reprises sur MySpace. Oui, MySpace, c'est vrai. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. MySpace, et vont créer un fort engouement. Le groupe, qui s'appelait Brassens à l'origine, a dû resserrer ses maxi mis en vente car Universal était vraiment pissed off qu'on prenne le nom de Brassens. J'avoue, c'est une marque de commerce, Brassens. Oui, c'est comme si Félix Leclerc appartiendrait à Québecor. Et voilà. C'est troublant. Troublant. Whitehall. Alors, donc, parmi les reprises de Pompe Moderne, mentionnons Thriller de Michael Jackson. Jackson? Qui devient les grandes chocottes? Walk, Leak, un Égyptien. Qui devient l'Égyptien? Et Arder, Better, Faster. Qui devient plus dur, meilleur, plus vite. Et la version live est vraiment excellente. Live comme dans live, comme oui. En direct devant public. Ok, parce que je suis pas sûr de tout saisir les mots. Dans la bouche d'un Français, les mots sont durs à comprendre pour moi, t'sais. Oui, mais c'est pas grave. C'est important d'avoir un bel accent. C'est ça, c'est mon manque de culture par rapport à l'accent français. Hein. Oui, si je veux me pogner Denis Bombardier. Oui, ou Pascal Bussière. Je ne comprends pas. Elle a un petit accent. Là. Ah elle oui. Elle a un petit air de... Ah, tu trouves? Moi, je trouve. Je la trouve québécoise. Ouais, moi aussi, mais quand même. Un petit accent. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, avec également Anne-Marie Lozier qui elle aussi a un charmant accent. C'est vrai. Surtout avec une tête sur la gueule. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais la reprise que je vais vous parler est Pulle Marine, écrite par Serge Gainsbourg et Isabelle Adjani qui se prend pour Jeanne Barkin. Jane Barkin, Gustave. Oh! Donc, tu t'es fait dire, hein, Gustave? Ouais, bon, Gustave, merci, Gustave. Donc, je vais reprendre la chronique parce que okay. Gustave est fatigué. Parfait. Il est fatigué puis il me fatigue. Ouais, normal. Ouais, une fatigue. Il y a un consensus là-dessus. Oui, donc, qui est Jane Barkin? Je suis en train d'avoir l'accent de Gustave, ça va pas bien. Jane Barkin. Oui, Jane Barkin. Même moi, mon accent anglais est horrible. Fait que je suis pas mieux. Jane Barkin, c'est genre une chanteuse qui a une petite voix au perché en train d'essayer d'avaler un poussin pendant un cours de chant. Ça, c'est Jane Barkin. C'est descriptif quand même. Oui, Isabelle Adjani, dans la version de Pulmarine, eh bien, elle a exactement cette voix-là fatigante qui me casse les tympans. Elle fait par exprès pour reprendre le même ton que... Oui, puis d'ailleurs, Paul Marine s'est comparé à Fuir le bonheur de Peur qui se sauve de Jane Barkin, enregistré la même année ou presque. OK. À deux, mettons, une année ou deux de différence. Donc, ça se ressemble beaucoup. Au niveau vocal, la manière de chanter et tout, Isabelle Adjani et Jane Barkin ont des ressemblances. Et là... Ce qui est dans Pulmarine, l'histoire, c'est une fille qui se noie dans sa piscine avec son Pulmarine après avoir... C'est un chandail, genre bleu marine. Ouais, exactement. Un espèce de gros chandail laine, là, je sais pas. Un sweater. Ouais, exactement, sweater. Et là, la fille se noie parce que c'est chicané avec son chum, ça l'a bouleversé, fait que là, elle est morte noyée. Ah. Ben, je sais pas si elle est morte, mais elle tombe dans la piscine, puis oui, elle doit être morte. Ben, ça doit. Sûrement. Et là, le clip a été réalisé par Luc Besson. Okay, le gars du cinquième élément. Oui, exactement. Luc Besson, à qui on doit également Taxi. Et la chanson s'est vendue à 1 million d'exemplaires. Donc, c'est un hit. On peut appeler ça comme ça. Un hit. Un hit parade. Oui, exactement. On devrait appeler les palmarès, c'est fou. Le hit parade, c'est fou. Ouais. Avec la hotline. Ça va être full classe. Alors, ce qui est drôle dans la version reprise par Pompe Moderne, c'est que le chanteur va pas masculiniser les paroles. Puis, ça, c'est vraiment drôle parce que eux, ils reprennent en fait les paroles d'une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Libertine. Et là, quand t'entends le gars chanter qu'il y a une voix un petit quand même assez grave, chanter « Je suis libertine, je suis une catin, je suis si fragile comme Étienne, la main, c'est vraiment tordant. Ouais. » Fait que là, on va écouter « Pulmarine » de La Pompe moderne. C'est dans la langue de ton oreille, la chronique de David Ferron à Assemblage Requis. Oui. Il ne fera pas sauter le studio de C'est fou. Mais pourquoi? Bon, Gustave, va-t'en. Va rejoindre Stéphanie. Merci. T'es banni du studio, Gustave. Oui. Ah, je me vengerai! Connard! Donc, c'est David Ferron et la langue dans ton oreille. On va entendre La Pompe moderne. Oui, avec la pièce Pulmarine, qui est en fait une chanson interprétée auparavant par Isabelle Adjani. C'était bien quand même. Moi, j'aime mieux la reprise que la version originale. Je connais pas l'original, mais celle-là, c'était quand même pas mauvais. Si je veux pas connaître l'original. Non, parfait. J'irai pas l'écouter. Merci. Merci à toi. Ben, je fais ça pour le bien de tes tympans. Parfait. Ne nous mets pas le lien sur Facebook, s'il te plaît. Je vais le faire. Non! Après, t'as dit ne pas, je veux dire. C'est bon. Ça s'annule, hein? Comme toi, tu me dirais, saute pas du pont La Violette. Qu'est-ce que c'est pas que je vais faire? Ah, OK, là, force-moi pas à faire ça. Juste pour voir comment tu te débrouillerais avec l'eau froide. Hey, dis-le, dis-le. Non. Ah, je vais le faire pareil. Ah, calme. Hey, on peut pas gagner. Ça, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Donc, on considérera ça comme un suicide. Deuxième chanson dans ton bloc sur les vêtements. Oui, c'est le manteau jaune de Raphaël, chanteur Raphaël. Donc, dans Manteau jaune, Raphaël soutient que son manteau jaune, qu'il avait cherché désespérément et retrouvé avec grande joie, représente plus qu'un simple vêtement qu'il porte. Au niveau des paroles, des phrases qu'on pourrait trouver habituellement cute, gentille, ça prend vraiment une tournure plus dramatique, triste, en raison de la musique qui accompagne la chanson, qui est vraiment, ben, pas lourde au niveau des arrangements, mais qui est assez mélancolique. OK. Par exemple, je prends une phrase comme ça, « Je marche avec lui, lui pour le manteau, tous les jours comme un poussin du jour. » Ça a l'air cute, c'est vrai, un poussin, c'est cute. Oui, mais c'est quand t'écoutes la chanson, là, c'est... Comme un poussin du jour. Ben, pas à ce point-là, parce que Raphaël a quand même une voix pas très grave. C'est quand même plus dans les aigus, mais c'est la musique, la manière qu'il chante ça, c'est la pluie, c'est... On a plus l'impression que le gars promène dans la rue tout seul après une ligne de coke. Mais bon, trêve d'exagération... C'est que aussi dans les paroles du manteau jaune, on mentionne également un certain Fran Angelico. Fran Angelico, c'est qui lui, dont le nom est Guido Di Pietro? C'est un peintre du 15e siècle, surnommé le peintre des anges, qui était aussi un religieux. Son œuvre se démarque par des couleurs vives et une accentuation du jeu de lumière. Donc, ça flash! Ouais. Donc, on est loin de la fadeur des peintres impressionnistes. Ben, c'est pas fadeur, mais les peintres impressionnistes veulent peindre la réalité, puis dans le temps... C'était déprimant. Ben, c'était pas déprimant, c'est parce que les hommes étaient souvent habillés en noir. Il y avait vraiment un code vestimentaire où que les hommes devaient être très sobres. Okay. Donc, pour revenir à Fran Angelico, c'est que... Je vais vous donner des exemples avec l'Annonciation par l'ange Gabriel, où ce que là, il a presque inventé le pastel. Les belles couleurs pastel qu'on aime tant. Ben, en fait, c'est pas dégueulasse. C'est pas comme iOS 7. Fait qu'encore que je lance une pile contre iOS 7. Je l'ai vu venir à mort, mais ouais. Ouais, je le sais, mais comment intégrer peinture et iOS 7? Je suis comme Lady Gaga, j'intègre tout de manière sans penser. Ouais, ouais, ouais. Je suis comme une espèce de diarrhée artistique. Vraiment les diarrhées Gaga qu'on l'appelle. Ouais, tellement. Aïe, je vais arriver avec... une robe de cheval, de viande de cheval. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, Fran Angelico, c'est vraiment des belles peintures surprenantes, en fait. Si vous voulez aller voir Fra Angelico, ça vaut vraiment la peine. Donc, Fra, F-R-A, Angelico, A-N-G-L, j'ai de la misère dans... On va la voir. Hey, je vais perdre à cranium, moi. Donc, Fra Angelico, Fra, F-R-A, Angelico, A-N-G-E-L-I-C-O. Et là, ce qu'il dit, Raphaël, c'est que son manteau a des couleurs plus belles encore qu'un Fra Angelico. C'est mieux d'avoir un très beau manteau, parce que pour dire ça, il faut vraiment que ton manteau soit beau. Ça coche, comme on dit. On va écouter la chanson pour se faire. Oui, un beau petit manteau sur la coche. Oui, pour voir si son manteau vaut vraiment la peine. Assemblage requis, c'est la langue dans ton oreille. Oui, miaou. J'ai rêvé d'un manteau jaune comme un coquelicot. Quelqu'un l'avait caché, mais il était à moi. Des couleurs plus belles encore qu'un Fra Angelico, mais je l'ai retrouvé. Alors je n'ai plus froid. Je marche avec lui tous les jours comme un poussin du jour. Jaune et neuf comme sorti de l'œuf. Au reste je reste sourd. Au reste je reste un sourd. Un sourd. Un sourd. Un sourd. On a voulu me le reprendre. Il fallait monter tout en haut, mais il était à moi. Et je me suis battu. Des couleurs plus belles encore qu'un sorbet abricot coule entre mes doigts. Alors je n'ai plus froid. Je marche avec lui tous les jours comme un poussin du jour. jaune et neuf comme sorti de l'œuf. Au reste, je reste sourd. Au reste, je reste un sourd. Un sourd. Un sourd. Un sourd. Un sourd. Un sourd. J'ai rêvé d'un manteau jaune comme un coquelicot. Mais il était à moi. S'il était à moi. S'il était à moi. Le drame du manteau jaune. Ah oui, c'est dramatique un manteau jaune. Vraiment? Faut se méfier des manteaux jaunes. C'est bizarre comme style de chanson pour ça. Oui, si vous... En effet, c'est très, tu sais... Pourtant, les paroles, c'est pas « je me coupe les veines » ou « ça va pas bien dans ma vie, j'ai le goût de me jeter dans la piscine avec mon pull marine. » Mais non, c'est à cause de l'atmosphère musicale, c'est particulier. Mais c'est bien pareil, les paroles sont simples, mais très jolies à mon avis. Donc, c'était « Le manteau jaune » de Raphaël. Mm-hmm. Alors là, on s'en va voir le groupe Le Husky. Puisque... C'est bon le husky, ça j'aime ça. Oui, c'est vraiment de la belle musique alternative et surtout que l'hiver arrive et quoi de plus à mode qu'un chien husky. En effet. Donc, ça s'appelle la chanson « Mes bottes de sept lieux ». Donc, le titre n'est pas anodin parce qu'il y a un côté imaginaire dans le thème des sept lieux. En fait, il s'agit de bottes qui s'adaptent à notre taille qui nous permet de parcourir sept lieux en un seul pas. Donc, c'est quoi une lieu? Parce que c'est un thème féminin. Quand on dit lieu au niveau... C'est comme les lieux sous les mers, là. C'est une mesure de distance. Oui, exactement. Donc, une lieu, c'est que ce qu'on appelait dans l'Ancien Régime en France. L'Ancien Régime en France, c'est entre la Renaissance et jusqu'à ce que la tête de Marie-Antoinette fasse flouc. Ça, c'est flouc, la... oui, c'est le... quand elle s'est fait décapiter. Hein, puis lui, ça, ça fait flouc. Flouc, flouc, flouc, flouc. Oui, okay. Puis ça fait... Donc, comment résumer les débuts de la Révolution française? J'aime ça. Donc, c'est la période, l'Ancien Régime, c'est carrément entre deux périodes. Donc, dans l'Ancien Régime, comment qu'on calculait les lieux? C'est à peu près la distance que peut parcourir un humain ou un cheval en une heure. Et là, on avait calculé 4 km. Donc là, vu que... On pouvait, avec une botte, faire 7 lieues en un seul pas. Donc, en un seul pas, on pouvait faire 28 km. Oui. Ça torche. Ben oui. Moi, pour faire 21 km, ça me prend 2 heures en courant dans un demi-marathon. Ah oui, il y avait les jambes plus longues à l'époque. Ouais. Puis pourtant, le monde était plus petit. C'est vrai. C'était juste des jambes. Oui, les gens, t'as des jambes. Ça disait pas ça dans les livres d'histoire, mais je suis sûr que c'est ça. Outrage. Hey, j'ai fait mon bac en histoire pour ma maîtrise en histoire dans le beurre. Eh merde. Dans le fond, j'aurais dû faire un bac en littérature. Ça a été plus réaliste, oh, finalement. Ouais. Okay. Non, je fais des blagues. Non, j'adore trop l'histoire pour ça. Donc, pour revenir aux lieux, donc les sept lieux, ça a été exploité dans La Belle au bois dormant, dans Le Petit Poucet, dans Les Frères Grimm et dans Jack le tueur de géants. Oh. Là, quand on pense au petit poussin, c'est quand même trash, là, un ogre qui mange des enfants. Mm-hmm. Mais avec la rectitude politique d'aujourd'hui, là, c'est des branches de bois. Ah. On est beaucoup plus consensuel maintenant. C'est ça, consensuel, oui. Oui, mm-hmm. Ouais, c'est vrai, c'est consensuel, c'est vrai. Oui. Il y a co-sanguin, mais consensuel. Et le groupe sanguin aussi. Oui, aussi. Okay, ouais. Ah, ça, c'était pas... C'est pas un duo d'humoristes ou un trio? Quatuor. Quatuor. Ouais. Okay. Je me rappelle plus, je me rappelle des trois. C'était celui... qui faisait des duos avec Danny Turcotte. Pierre Averville, c'est ça? Non, L'Éveillé. Dominique L'Éveillé. Oui, ça. Justement, Danny Turcotte, oui. Et Marie-Lise Pilote. Oui. Puis l'autre, je ne me rappelle jamais. Je ne sais pas. C'est l'autre. L'autre, le rejet. Ah, pas non. Fin. Ouais. Appelons le beau ténébreux. C'est ça, l'illustre ténébreux. Oui, l'illustre ténébreux, j'aime bien ça. Donc, l'illustre ténébreux. Mais dans les sept lieux, ça ne sera pas ça. On parlera pas de mystérieux ténébreux parce qu'on va parler des bottes des sept lieux avec le groupe Le Husky. On écoute celle-là? Oui, wow. Si tu veux. Le Husky dans l'angle de ton oreille, c'est la dernière pièce de cette chronique de David Ferron. Ouais. je sais tout. 100 000 étoiles au fond des yeux, la gravité, les choses du passé. Les astres sont alignés. On me tire plus dessus. Wow. Sorti mes bottes de cet lieu, je vois la route prendre en feu. Tout va devenir mystérieux. Je ne serai jamais vieux. Wow. J'ai survécu à l'hécatombe. On m'aurait vu marchant sur les toits. Le vent m'a propulsé. Ah, si j'avais su. Ces yeux, je vois la route en feu. Tout va devenir mystérieux. Et je ne serai jamais vieux. Non, je rêve de gloire et de beauté. Les yeux remplis d'éternité. Et ma vieille machine a rêvé. C'était la chanson du groupe Husky avec Bottes de sept lieux. Oui, mes bottes de sept lieux. Oui, c'était oui. Bien. Ben oui, c'est bon. Mais le Husky, c'est toujours très gagnant. C'est un vétéran des palmarès c'est fou francophones. Oui, un peu comme Violette Pie dans le temps. Ben, dans le c'est temps le Violette Pie du temps, dans le temps que c'était vraiment pas aussi trash que Violette Pie, puis aucune ressemblance à part la langue francophone. Oui, exactement. En française. Mais au niveau aussi du hit parade. Ah oui, du hit parade. Ah oui. Ben ça. Ça inclut beaucoup de choses, le hit-parade de C'est fou, hein? Oui, en fait, le hit-parade de C'est fou, en fait, le palmarès C'est fou top 20 anglo et top 20 franco. Vous pouvez écouter Mathieu et Stéphane Paradis dès 15h aujourd'hui. Oui, le jeudi. Oui. Tous les jeudis, 15h et dimanche midi et lundi ou mercredi à 17h. Oui. Super. Hein? Donc, toujours dans la langue dans ton oreille avec David Ferron, on a entendu tes trois pièces sur la thématique des vêtements. C'est réussi. Ben, merci. Bien fait ça. Merci. Belle job. Merci. Tape dans le dos. Merci. C'est un chenouin dans la piscine. Chenouin dans la piscine. Hein? Oui! Va t'acheter en bas de sport! Non. Oui! Mais non, fais pas ça. On veut te revoir la semaine prochaine. Try yourself. Try yourself? Go throw yourself. Throw yourself. Ah, d'accord. Je pensais que c'était trout comme genre une truite. Trout. Va te tweeter. Ça, c'est le, sur Twitter, là, point com, ah, le grand réseau social. Oui. Twitter. C'est vrai. Où est-ce que les gens se font avoir comme des poissons? C'est exactement ça, au lieu de dire des suiveux, tu dis des poissons. Ah, ben oui. C'est mon réseau social. J'ai dit que je vais partir un jour, je ne l'ai pas encore fait, mais l'idée est quand même copyright Mathieu Plante. Oui, mais il me semble qu'il y a comme un Facebook québécois, faudrait que je te le retrouve. Oui, c'est vrai, ça marche pas, ça. Taser. Taser. Le groupe Taser, oui, c'est vrai. Malade. Je vais aller voir comment ça va, ce groupe-là. Parle de vous teaser un peu. On va vous dire ce qui s'en vient après la pause. Plus tard, on va avoir des suggestions spéciales de la part de David Ferron. On a aussi la carte postale musicale de Simon Fitzbay. C'est à venir dans la prochaine demi-heure à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi matin, 28 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau va être de retour lundi. Et toujours aussi avec David Ferron, chroniqueur émérite, qui va rester avec moi pour un petit bout encore, je pense, pour le reste de l'émission même. Oui, là, je suis un petit peu occupé. Je suis en train de me créer... En fait, je suis en train de créer le profil de Gustave sur le groupe Taser. Ça, c'est le Facebook québécois dont on parlait tantôt. Ouais. Puis ça a l'air douteux. Taser. Comment ouais. Tu dis ça? Ben, Théas Edouard. Fait, je sais pas trop comment le prononcer. Taser. Balthazar. Ouais. Bat-tazar. Bat-tazar, c'est ça que ça veut dire. Bon. Donc, retrouvez-le sur tazar.com, cherchez Gustave de la fenêtre. Donc, on va continuer maintenant avec... en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'entendre deux suggestions spéciales de David Ferron qui est avec nous. David, tu nous as choisi une pièce qui se nomme Tiki Tiki de Owl. Oui, Owl, qui est en fait une artiste française d'apparence Florence Plost-Machine. Plot Machine? Plus de Machine. Plus de Machine. OK, c'est comme Florence and the Machine. Ouais, Florence. J'ai dit qui, ouais? T'as dit Clarence? Florence. Hey, je suis mêlant mes prénoms, ça va pas bien. Non, mais imaginez-vous Florence and the Machine. Ouais, Florence and the Machine, c'est vrai. Oui. Mais il y a trop de noms féminins avec des groupes. C'est vrai. Alors que c'est pas vraiment un groupe. Non. Mais c'est le nom de son band. Ouais, Florence Plus the Machine. En fait, c'est longue crinière rousse, mais vraiment style musical complètement différent, c'est vraiment électro, mais moi j'adore ça, ça rentre dans la tête, une espèce de petit funky lounge, c'est vraiment bien. Oui, donc c'est Owl qu'on va écouter tantôt, mais on va débuter avec une pièce du palmarès francophone que tu as aussi choisie, c'est celle de Summerland. Oui, Summerland avec juste un peu trop. La voici à l'instant. Oui. Assemblage requis sur C'est fou, et après ça, c'est la carte postale musicale de Simon Fitzbay. J'ai hâte. Moi aussi. say the sun is cold and the wind calls my name. Can't feel it in the air, makes my body shiver. I cry 'cause I can't be a big white beast and free, diving from the sky. You took Tiki, Tiki, dans Assemblage Requis. Oui, pendant ce temps-là, j'ai appris plein de trucs sur le groupe Tazar. Oui, sur le Facebook québécois là, qui t'intéresse tellement. Oui, ça a l'air qu'il y a même des applications mobiles et des jeux, tout comme Facebook. Ils ont du budget, c'est juste qu'il manque de gens dessus, un peu comme Google+. T'sais. Ça ouais. Existe, ça a du budget, mais ça fait rien. Ah, Seigneur. Mais groupe Tazar, c'est prometteur. Watch your back, Facebook. Oui, watch your back. T-A-Z-O-R, c'est ça? .com? Ouais. OK. Donc, merci pour ça, David Ferron, pour tes deux nouvelles chansons suggérées que tu nous as fait jouer là. Ben, merci de les avoir diffusées. Ben, ça fait plaisir. Et maintenant, ben, parlant de musique qu'on va pousser un petit peu, on va accueillir via Outre-mer Simon Fitzbay et sa carte postale musicale. Hey! C'est la carte postale musicale de Simon Fitzbay qui nous écrit comme ça ponctuellement à Assemblage Requis via notre boîte postale. H-O-H-O-H-O. Non, ça, c'est le Père Noël, je pense. Mais bon. Alors, je vais vous lire sa lettre qu'il nous a envoyée récemment. Salut les gars! J'ai décidé de récidiver et vous envoyer une nouvelle carte afin de vous faire découvrir de la nouvelle musique ou du moins vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde du merveilleux son. La première pièce de cette carte postale se retrouve assurément dans la portion découverte de la semaine. Il s'agit de la formation Buke & Gase, B-U-K-E et Gase, c'est G-A-S-E. Un duo new-yorkais composé de la sublime Aaron Dyer et au ukulélé bariton. Donc B-Uke, bariton ukulélé, c'est pour ça Buke. Et de Aaron Sanchez qui joue avec une guitare hybride qui comporte des cordes de guitare. Donc guitare, gu-as, grace, gase. Il s'agit d'une formation aux sons éclectiques et aux mélodies parfois entraînantes et joyeuses, ainsi que parfois intrigantes et progressives. Avec sa rythmique déglinguée, Buchengase me fait beaucoup penser à la formation légendaire Deerhoof, dont je suis un grand fan. Ils ont lancé un album nommé General Dome cet automne. Celui-ci est dispo sur Bandcamp. Cependant, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la pièce Revel in Contemple, tirée de leur album Riposte, lancé en 2010. On poursuivra avec Grizzly Bear, qui nous avait épaté avec leur album Shields l'automne passé, et qui récidive cet automne-ci avec ce qu'on pourrait qualifier d'une extension de cet album génial avec The Shields B-Side, un genre de version deluxe qu'on a remise à plus tard au grand désespoir des critiques qui voient ça comme une façon de presser le jus avec des extras déguisés en maxi. Tel que prévu, on ne retrouve pas vraiment la même énergie ni la même créativité que sur Shields, mais on retrouve tout de même... je me suis perdu dans le texte, attends. Mais on retrouve tout de même la signature sonore de Grizzly Bear, une formation à la fois originale et sophistiquée qui devrait être connue du plus grand nombre possible. Je vous propose Listen and Wait, une composition en 3/4 ou 3/4, sensiblement plus calme que celle de Buchengase, qui nous permettra de récupérer un peu nos énergies. Désolé, je connais pas les termes musicaux, là, c'est Simon, le connaisseur de termes musicaux. Je termine cette carte postale avec un groupe très près de nous. En fait, il s'agit de la formation Les Frères Goyette, résidents de Champlain, qui ont lancé le nouvel opus intitulé Fidèles, Tenaces et Frères un peu plus tôt ce mois-ci. Fidèles à leurs habitudes, Mario et Sylvain Goyette nous offrent un album jouant sur des tons de poésie, d'humour et cette musique à la fois simple et épique qui les a fait connaître. Ce nouvel album est comparable à leur précédent Rencontre du Troisième Âge ainsi que Voyeul on chante, deux albums que j'avais particulièrement aimés par le passé. Je vous propose un thermos d'eau chaude dans une longue guerre froide, une des nombreuses pièces qui m'ont plu sur cet album et qui représente très bien l'esprit de l'art musical des frères Goyette. Sur ce, ben, salut ben, on se croise bientôt, bonne musique, et c'est signé Simon Fitzbay. joker inside. A jumbled memory brought to life. And it's gone by the night. The morning brings it back. Dans mon dos. Et J.O., le rideau de fer de ma cuisine, récital sur l'orgue de Staline. Gargarine sur mon pain noir, tache de vin rouge dans le miroir. Danse en équilibre, une polka sur l'alambic, le cœur de l'armée rouge dans la poitrine. Je chanterai pour elle mes airs de Tchernobyl, baisserai ma garde, range mes missiles. Le soleil se couche à peine. J'oublie mon capot de poêle alors qu'on me check du crème blanc. avec moi si je savais embarquer un sous-marin. Dimanche, je paraderai tous mes atouts à tour de rôle, les splendeurs dans le rêve, oui, en déplaise. Je laverai le pavé à la hausse, une thermos d'eau chaude sur cette gare froide. À peine. J'ai mis mon capot de poêle alors qu'on m'éjecte du Kremlin. Voudrais-tu avec moi si je savais parquer un sous-marin? C'était la carte postale musicale de Simon Fitzbé. On vient d'entendre un thermos d'eau chaude dans une longue guerre froide des frères Goyette. C'était précédé de Listen and Wait par Grizzly Bear. Et on a débuté le tout avec Revel in Contemple de Buchengase. Donc, trois formations, artistes, groupes dans la carte postale musicale numéro 3 de la session pour Simon Fitzbé. On le retrouve ponctuellement. Il n'y a pas de case horaire fixe pour ce Simon Fitzbé. Mais éventuellement, on va vous avertir à l'avance pour une future carte postale musicale. Lui qui nous envoie ça directement d'outre-mer, en quelque part dans ses rêves. Cool, ben, c'est le fun qu'ils prennent des... Ben, dans le sens qu'ils prennent le temps de nous envoyer des belles cartes postales. C'est des belles cartes postales. C'est énormément apprécié. Il fait vraiment très bien ça. Un beau petit montage musical avec un beau petit texte écrit autour de ça. Donc, Simon Fitzbé, on est très reconnaissant. Écoutez-le les vendredis matin à 10h dans l'émission Album Classique. Ensuite, à 11h, dans l'émission d'Alain Lefebvre, Rock Classique, il fait les éphémérides du rock. Donc, suivez ce Simon Fitzbé partout à C'est fou! Au retour, la chronique de Joanie Gagnon. Alors, on sort. Et plus encore, l'entrevue avec Sexe Illégal s'en vient aussi. Restez. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, il est 9h03, vous êtes à Assemblage requis en ce jeudi 28 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante, toujours avec David Ferron aussi. Ben, rebonjour. Bonjour, Joanie. Bonjour. Hey, laisse-moi présenter, Joanie. C'est correct. C'est pas grave. M'excuse. Ben oui, mais gars, je te pardonnerai un jour. Il y a des choses pires que ça. Lequel jour? Jeudi prochain. OK. Okay. Donc, on accueille, tu l'as dit très, très bien d'ailleurs, on accueille Joanie Gagnon. Voici sa chronique. Alors, on sort. Salut, Joanie Gagnon. Salut, ça va bien? Tu peux parler à David, t'as le droit. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit de te parler, David. Oui, mais moi, je sais pas, j'ai le droit de te parler. Oui, je te donne le droit de me parler. Merci. Parlez-vous, c'était juste pour rire tantôt. C'est une... Donc, Joanie qui nous parle d'art et spectacle dans sa chronique Alors on sort. Oui, je commence en vous rappelant hier, je sais pas si vous êtes allé, il y avait Kikuna qui était l'artiste invité dans le cadre des soirées cachées, c'est fou. Je crois que tu étais là, David. Ben, en fait, j'étais venu au début, mais là, finalement, je me rappelais que j'avais la langue dans ton oreille à préparer. Fait que malheureusement, je manquais un show qui était excellent, paraîtrait-il. Oui, exactement, j'étais là, c'était vraiment excellent. C'était hier au pavillon Benjamin Insulte pour les soirées cachées, c'est fou. C'était la première édition, c'était vraiment super cool. Première édition de l'année, il y en a eu l'année passée. Oui, c'est ça, il y en a eu l'année passée. Puis il y avait beaucoup de monde hier, c'était vraiment cool, mais il faudrait qu'il y ait encore plus de monde. Donc venez voir ça. Là, c'était vraiment super le fun comme soirée, comme spectacle aussi. C'est organisé par un petit comité de gens en loisirs, culture, tourisme. C'est pas C'est fou en tant que tel qui organise ça. Jean-Philippe Charbonneau coordonne un petit peu la première édition pour leur montrer comment on fait ça. Puis après ça, les autres éditions, ça va être complètement par le comité. Donc, c'est fou, on encourage ça, évidemment. Ça porte notre nom. Donc, quand même, surveillez la deuxième. On va vous tenir au courant ici à Assemblage Requis. Oui, super belle initiative des étudiants. Ouais. Et donc, je commence en vous parlant ce soir au Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, en fond, vous propose un hommage à Jean Leloup. C'est dès 21h et c'est 8$ à la porte comme idée sortie pour ce jeudi. Ce soir aussi, il y a le Full Moon Party à l'Embuscade. Donc, si vous voulez encourager la délégation de l'UQTR au jeu franco-canadien de la communication, donc allez festoyer avec eux. C'est le 28 novembre ce soir. C'est à l'Embuscade. C'est 5$ à la porte et ça aidera directement la délégation à financer sa semaine de compétition à Montréal en février. Également, du 28 novembre au 1er décembre, c'est le Salon des métiers d'art à la Maison de la Culture. Donc, l'entrée est gratuite, c'est super intéressant. C'est de jeudi à dimanche. C'est la 8e édition. Il y a plus d'une trentaine d'exposants si vous avez envie d'aller voir ça, ceux-là qui aiment l'art. Et ce samedi aussi, je vous parle du lancement du EP de Living Crush. C'est un band de Trois-Rivières. Ils lancent leur EP de 6 chansons intitulées « Straight from the Heart ». Ça va avoir lieu samedi soir, le 30 novembre, c'est ça, à 20h, à la salle Anaïs Allard-Rousseau. C'est au centre-ville de Trois-Rivières. Et les billets sont en vente auprès des membres du groupe à la Maison de la Culture, sur le réseau Ovation et sur enspectacle.ca. L'entrée, c'est 22$ pour un excellent spectacle et un hippie en prime. Oh. Donc, lancement de Living Crush, un band d'ici. Sinon, en humour, du 28 au 30 novembre, il y a un spectacle de Rachid Badouri, son spectacle Badouri rechargé, qui est présenté à la salle J.A. Thompson. Donc, pour ceux qui auraient envie d'aller voir ça, visitez le site de la salle pour plus d'informations et pour réserver vos billets tout de suite. Aussi, je vous en parle tout de suite comme à l'habitude, les mardis live au Gambrinus, mardi prochain, il va y avoir la soirée blues. C'est avec Jimmy and the Cadillacs, donc mardi le 3 décembre prochain. C'est 5$ à l'entrée et c'est à compter de 22h comme toujours. Je vous parle aussi, pour terminer, de 3 choix d'exposition à aller voir au Musée québécois de culture populaire en fin de semaine. Mais ça va demeurer au musée plusieurs mois en 2014. Je commence en vous parlant de l'exposition « Québec en crime ». C'est une expo qui retrace l'histoire criminelle du Québec au courant du 20e siècle. Ça a l'air spécial, mais ça a l'air quand même intéressant. Puis ça a en toile de fond l'évolution de la société québécoise. Donc, ça retrace les grandes enquêtes judiciaires qui ont marqué la première moitié du siècle. Donc, on mentionne aussi l'émergence de la cybercriminalité. Donc, c'est une exposition qui pourrait être quand même intéressante. Dans un tout autre ordre d'idées, il y a l'expo « La boîte à jouets » de Fred. C'est le musée qui présente une exposition de sculptures inspirée des contes de Fred Pellerin. Donc, si vous voulez découvrir son imaginaire assez particulier, c'est un rendez-vous au Musée québécois de culture populaire. Il va y avoir plusieurs sculptures présentées et les œuvres vont être présentées, vont être accompagnées d'extraits de contes de l'auteur. Donc, ça peut être cool. Et comme troisième exposition, je vous parle de l'exposition « De la petite vie ». Cette famille mythique que tout le monde connaît va avoir maintenant sa place au Musée québécois de culture populaire. Donc, ça va rendre hommage à la célèbre émission télévisée qui a marqué notre culture au Québec, qui d'ailleurs a atteint des cotes d'écoute, je voudrais dire, inégalées encore à ce jour. Même en reprise, ça marche encore. Oui, ça marchait encore super bien. Donc, c'est ça, on dit que vous allez avoir l'occasion de rencontrer virtuellement chacun des membres de la famille Paré, voir des extraits d'émissions et d'ailleurs, dès que vous allez pouvoir découvrir les authentiques décors de l'émission et plus encore. Ça a l'air super intéressant. 3 expositions à aller voir au Musée québécois de culture populaire en fin de semaine. Ben oui. Et pour plus d'infos sur ces 3 expositions-là, juste aller sur le culturepop.qc.ca. Vous allez avoir tous les détails. Merveilleux! Et pour entendre de la musique à la fin de ta chronique, ce qu'on aime faire, c'est choisir quelque chose que tu as mentionné dans ta chronique. Oui. Et là, on revient sur les soirées cachées d'hier. Exactement. Kikuna qui était là hier, la soirée cachée. On va aller entendre « Pas de panique ». Tout de suite, à l'Assemblage requis, c'est la chronique. Alors, on sort! J'ouvre le frigo et puis je tombe dans le vide entre un vieux spaghetti au pesto et un oignon qui agonise. Je bats des ailes et je m'ennuie. Je ne vends pas de disques. Je m'imagine une autre vie pleine de succès et de fric. On me voit partout. Je fais tous les plateaux de télévision. Je fais le beau devant les radios et je chante pour les cons. Tout ça me mène jusqu'à la disque et le vote du public. Je monte sur la scène hystérique et j'embrasse mon Félix. Je remercie père et mère et tous les Québécois en agent. Tant que je suis fier parce que je fais mon rock à moi. Mais j'entends des voix qui me disent indie, trendy, hipster, preppy. Je me fais musique et baise. J'ai les cheveux et le style pour grimper sur les palmarès. Et aux gens de défi, mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans qui se disent que je serais un bon fils, un bon gendre ou un bon amant. En tournée, j'exige dans ma loge des craquelins et des fromages fins, un Bordeaux et quelques Bourgognes, un PlayStation et des coussins. système en touchant ma paye, mais j'entends des voix qui me disent. Il faut que je me démène pour ne pas devenir un has-been pis vendre mon condo sur la main. Je fais des peu de cellulaire, de bagnole ou de bière. Entre deux tours, mes promotions pis toutes mes collaborations. Je me positionne contre la guerre, contre la famine et la misère, et contre le pire des fléaux, le téléchargement illégaux. Sinon je fais une sortie publique, un petit scandale dans les radios. Pour de ma shit ou qu'on boucle pas d'un festival. Mais j'entends des voix qui me disent. C'était pas de panique de Kid Kuna à Assemblage Rocky, c'est dans la chronique Alors on sort de Joanie Gagnon. Oui. Oui. Ça, c'était pour rappeler les soirées cachées d'hier. Oui, exactement. Hier, au pavillon Benjamin Sult. Et on rappelle d'aller chercher sur Facebook les soirées cachées, c'est fou, pour connaître la prochaine soirée. Oui, tenez-vous au courant. C'était vraiment super cool hier. Donc, restez à l'affût. Il va y en avoir une prochainement, j'imagine. Ben oui. D'habitude, c'est supposé être au moins une fois par session ou deux. Ouais. Fait que peut-être qu'il y en a une d'ici la fin de l'année. On ne sait pas. On ne sait pas. On fait juste travailler ici. On ne sait pas, nous. On ne sait pas. Merci, Joanie. À la semaine prochaine. Merci à vous. C'est les jeudis à 9h, alors on sort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est entendre l'entrevue que Simon Fitzbay a fait avec Sexe Illégal, le célèbre duo, le légendaire. Donc, on va entendre une pièce pour commencer. Voici Paraplaisir. Sexe Illégal, tout de suite, ça va être bizarre, mais vous êtes avertis. T'sais. Allons voir. Oui, écoutez. Asti, quelle est ta casquette? L'as-tu trouvé dans les vidanges d'un pauvre? Si au moins la couleur t'es belle, belle, belle. Ben non, tabarnak est mauve. C'est moins important quand t'es en fauteuil roulant. Oh, mais fais-toi en bas. Oh, au moins t'as tes bras. Les deux. Oh, j'en veux pas de crayon. T'es bleu et bien. Va donc t'acheter. Fait qu'en gros, ça va pas mal ressembler à ça. Tu vas capoter, mais... Y a-tu des questions, quelqu'un? Ben, je pense, lui, il y a une question. Non, lui, c'est pas une question, il est tout le temps de même. Là. Fait qu'il y a pas de questions, alright! Fait que, 3, 4... Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer ceux qui pourraient, que je pourrais qualifier en fait comme étant mes idoles et les idoles des autres. C'est un groupe qui n'a pas besoin d'une grande introduction puisque leur réputation les précède. C'est le duo légendaire Sexe Illégal. Il s'agit d'un duo qui roule sa bosse dans le monde de la musique depuis plus de 40 ans. Plus de 40 ans. On a célébré votre 40e anniversaire en 2011. Fait que là, on est rendu à 42. On compte plus que c'est plus nécessaire. Ouais. On rentre comme dans la zone Gilles Vigneault. Ouais, les deux premières années, tu comptes en mois, puis après ça, tu comptes jusqu'à 40, puis après ça, c'est fini. C'est assez. Mmh. Ah oui, c'est assez certain. Vous roulez votre boss dans le milieu de la musique légendaire depuis 40 ans et vous n'avez pas fini d'en montrer, bien sûr, j'imagine. Mais non, écoute, nous autres, c'est sûr qu'on fait ça jusqu'à notre mort. Pour nous, je pense que notre seule raison de vivre, c'est encore de présenter ces choses-là aux gens. Mais on fait ça jusqu'à notre mort ou si toutes les autres meurent aussi, on va peut-être juste arrêter. Là, je ferais pas ça juste pour moi non plus. On fait ça beaucoup en réaction, finalement, à la vie des autres. Là. C'est sûr que si on était les deux seuls êtres sur la planète, j'ose croire qu'on passerait plus de temps à se baigner. Là, j'imagine, oui. Ben ouais. Faire de la musique pour les autres quand vous êtes juste deux. C'est ça. T'sais, on va pas s'acheter nous-mêmes nos billets. Là, on a des passes. Ouais, on peut jamais aller voir nos shows. On travaille tout le temps ces soirs-là. Effectivement, c'est le gros problème des musiciens. C'est vraiment difficile. Ouais. Pour vous présenter, bien sûr, au public, vous êtes Tony Légal et l'illustre guitariste Paul Sexe. Yes. Sur duo avec une discographie étoffée de plus de 14 albums, 2 séries web et de nombreuses tournées qui vous ont mené dans tous les recoins de la planète, de Singapour à Berthierville, en passant par Macao et Trois-Rivières. Nous voici à Trois-Rivières, oui. Bien sûr. Incroyable. On peut pas manquer Trois-Rivières, tu sais. Ben non. Ouais, c'est le fun. Avant qu'on commence l'entrevue, un peu plus sérieusement, là, on en parlait tantôt dans le stationnement, on est au lendemain des élections municipales quand on tape cette entrevue-là, puis j'aimerais ça savoir si vous avez gagné vos élections puis vos opinions sur les gagnants. Mais je pense que personne n'a vraiment gagné à Montréal, considérant que c'est Denis Coderre qui est rentré là. Le seul espoir, c'est que vu que t'sais, il se rapproche un peu du gars de Toronto, il est quand même assez gros, fait que je pense qu'on va être content mais qu'il fume du crack. Ouais, c'est sûr, c'est nice. De toute façon, c'est important de s'en rappeler, on en parlait hier soir... Je pense qu'à chaque fois que Denis Coderre gagne quelque chose, c'est toujours un peu à cause de l'argent et du vote ethnique. Donc, c'est une reprise de 1995, tout le monde. S'il y en a qui sont inquiets, on sait comment ça continue par la suite. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas personne d'autre qui a perdu une jambe. Fait que Lucien Bouchard est safe parce que lui, déjà, il est rendu comme au stade Terry Fox, une de moins. Puis ça va être tough en esti se déplacer pour aller dire au monde qu'est-ce correct le gosse de schiste. Là. Mais, tu sais, on est safe. C'est pas bien d'avoir Lucien Bouchard courir à travers le Canada pour convaincre le monde. Ouais, ben s'il peut courir vers l'autre bord, peut-être, juste qu'on le voyait un petit peu moins. Je trouve ces temps-ci, il me tape un peu ses nerfs avec ses idées, là, tu sais. Fait que, ouais. Ah, il est pas évident. J'aimerais ça que vous parliez un peu du show Unplugged in New York à Montréal, en tournée en région et à Trois-Rivières. Yes. Ben écoute, c'est un concept étoffé, Unplugged in New York, plusieurs grands artistes qui l'avaient fait. Comme Nirvana, par exemple. Nous autres, on voulait un petit peu donner la même saveur à notre spectacle, quelque chose d'assez intime, quelque chose d'habitude qui se passe un soir quand t'es tout seul à la maison, en tout pis ta main, mais avec public. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de nos fans qui ont pas de passeport, possiblement des dossiers criminels. Donc, de le faire à New York, c'était un peu difficile. On a essayé de le ramener à Montréal. Puis là, ça a tellement bien été que là, on le réexporte une troisième fois. Fait qu'on est vraiment comme une espèce de fromage brie de France, importé au Québec, shippé à New York, pour ensuite finalement être vendu quelque part à Jakarta. International. Très international. C'est bon. Multiplateforme. Êtes-vous accompagné d'un gros groupe ou... Seulement Robert Lepage au violon. Non, mais ça, c'est quand il est disponible, bien sûr, parce que c'est un gars qui a quand même beaucoup le sourcil du détail. Donc, on essaie de l'avoir le plus souvent avec nous, soit dit en passant. Mais pour l'instant, non, ce n'est que nous. Donc, c'est vraiment très intime. Moi et Paul, je dirais aux gens que c'est un peu comme nous voir travailler, je te dirais. C'est comme à la maison, comme on travaille, comme on écrit. Ben, c'est ça qu'on fait, tu sais. Fait que le band, c'est moi et puis lui. Ouais. Fait que c'est un two-man band. C'est toujours bien mieux que le Blue Bang Group. Oh, sac, oui. Vous n'êtes pas obligé de peinturer en bleu avant non, de faire non, pas le en tout. Yes, non, ouais. Quand t'as quelque chose à dire, t'es pas obligé de te déguiser. je me demandais aussi, je me demandais, pendant qu'on est là-dedans, si vous pourriez m'expliquer à nos nombreux auditeurs, c'est quoi votre processus créatif? Comment vous faites pour créer une chanson? Qu'est-ce qui vous motive? Ben souvent, ce qui se passe, c'est que on dépense beaucoup dans des choses qui nous amènent ailleurs. Puis le lendemain, ben, on se réveille et on a des tracts de fête. C'est souvent ça qui arrive. Mais encore une fois, c'est beaucoup en réaction, je te dirais. Souvent, on n'a pas tant d'intérêt à faire de la musique. T'sais, si les gens faisaient pas de la musique, on n'en ferait pas non plus. T'sais. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu es tranquille chez vous, tu veux t'amuser, tu veux faire d'autres choses. Puis là, bang! Maxime Landry fait une toune. Fait que là, tu viens à tabarnak. Là, tu sais, ça te trotte dans la tête deux, trois jours, tu viens vraiment agressif, violent, puis là, ça peut pas toujours sortir, là, ses femmes pis ses enfants, ça, parce que maintenant, tu sais, les constats d'infraction commencent à s'accumuler puis ça devient difficile, là, tu sais. Fait que ce qu'on fait pour pallier à ça, c'est vraiment qu'on répond à la musique de marde des autres en leur tirant notre marde dessus, ça. Ouais. C'est génial. Je pense que c'est la meilleure façon de créer artistiquement. Voilà. C'est que c'est légal. Vous êtes de grands artistes. Ah oh, oui. Écoutez, les Québécois vous ont vraiment redécouvert, en fait, depuis votre passage en route pour votre premier gala, pour mon premier gala. Ouais. Pour leur premier gala, c'est pas à nous, ces études d'affaires. Qui risque qu'on n'en veut pas de ça? Ça paraît que c'est leur premier parce que c'est mal rodé. Oh, c'est tout croche. Anyway. Mais quand même, on vous a redécouvert aussi avec votre album compilation, 40 ans dans le champ. Mais vous avez quand même une discographie assez relevée. Là, on peut penser seulement à l'album de Trop ou Sexe illégal avec des dents, qui sont déjà des pas importants de votre carrière légendaire. Qu'est-ce qui vous reste à présenter au public? Là? C'est quoi votre nouvelle gimmick? Ben écoute, on ne tire pas de cachette. C'est sûr qu'on est en fin de carrière. Pour nous, je pense qu'on le fait surtout encore par plaisir. C'est plus une question d'argent. On n'a plus rien à prouver non plus. Dans le milieu de la musique. Par contre, là, on a décidé d'investir un petit peu le territoire de l'humour, considérant que c'était beaucoup plus payant avec la musique à ce stade-ci. On le voit que c'est difficile avec tous les downloads, les Napster, ces choses-là. Donc, quand on a vu là, des gens comme Jean-Michel Anctil acheter des chinoises, on a clairement compris que l'argent était là. Ou Rachid, qui est à peu près 3000 piastres de gloss partout d'en face, c'est ça, quotidiennement. Donc, d'ailleurs, Rachid, qui est la même personne qu'Elisabeth Blouin-Bratouette, hein? Exactement. Ah, ouais. À une perruque d'être la même personne. C'est assez incroyable. D'après moi, il y a des boules en scotch tape ou en velcro, là, ça s'enlève, ça se remet. Ça, de toute façon, nous autres, on ne va jamais jouer dans ce bustier. C'est du mal. C'est vrai que les deux éclairent dans le noir, de toute façon. Hein. Ça gloss in the dark. Ouais, mais tu sais, quand tu n'es pas brillant, il faut que tu shines. C'est un petit peu ça l'idée. Là. Une question de possibilité. Hein? On salue Rachid. Merci. un grand fan. Ben oui, c'est sûr. Écoutez, les gars, vous avez aussi été récemment en nomination aux Oliviers, à la Disque ainsi qu'aux Gémeaux. Je me demandais comment vous sentiez d'avoir cette reconnaissance finalement et puis comment vous sentiez aussi de pas avoir gagné. Mais écoute, les remises de trophées dans le milieu des arts, c'était un petit peu la crossette populaire. C'est-à-dire que c'était un peu drôle quand même de voir un milieu au complet là, se réunir ensemble pour s'auto-féliciter des affaires qui n'ont pas faites comme du monde. T'sais. Fait que dans un sens, c'est sûr que c'est sympathique là, de voir que les gens pensent qu'on peut exceller dans tous ces milieux-là, que ce soit la télé, l'humour ou la musique. Mais d'un autre côté, moi, je préfère pas les gagner. Ces trophées-là, c'est juste du trouble après des fire-fonds pour faire des bagues à Éric Lapointe. De toute façon, du moment que nous autres, on perd un prix, on perd pas tout seul parce que c'est pas mal tout le Québec qui perd, considérant qu'on n'a pas gagné. On voit ça un peu comme un référendum. Là. Ouais. Oui, effectivement. Définitivement. C'est quelque chose d'assez triste pour la population. Votre prochain album, ça va être un album de cover. Le lien est facile à faire avec Sylvain Cossette, c'est évident. Lui, s'est mis millionnaire avec ses albums 70s. Est-ce que vous espérez faire la même chose avec votre album? Écoute, nous autres, on va te le dire, la grande différence de Sylvain Cossette, nous autres, on n'accepte pas les petits pinches de tapette. Et donc, c'est officiel que non. Nous autres, l'album Cover Your Ears, on l'a fait vraiment dans le but, je pense, de montrer à nos fans un petit peu ce qui nous avait inspiré, nous, dans notre parcours musical. Et donc, on va le donner gratuitement en ligne. Il n'y a aucun argent qui va être ramassé avec ça. Donc, aucun argent va être donné à aucune cause, là, ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Il y a des enfants malades qui vont continuer de mourir malgré la sortie de cet album-là. On est vraiment désolé, mais maintenant, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Je pense que c'est vraiment pas la même démarche que Sylvain. Nous, c'est vraiment juste pour partager ça avec les gens qu'on fait ça. Puis, on n'avait vraiment pas l'intention de s'acheter une nouvelle maison là, sur le dos du monde avec ça. C'est bon, vous êtes des gars de principe. Exactement. On aime ça, c'est bien. Écoutez, est-ce que cet album-là, c'est un genre d'hommage à vos idoles? C'est-à-dire... C'est un mélange entre hommage et dommage. Donc, c'est un album de dommage. Ouais, c'est assez dommage qu'on l'ait fait. Puis c'est sûr que... Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qu'on a côtoyés à travers les années. Il y en a qui c'est des amis, il y en a d'autres que moins. Mais je pense que ça fait le tour aussi quand même d'une culture musicale pour nous qui est quand même assez poussée. Ça va dans beaucoup de directions. Je veux pas vendre tous les punchs, mais disons qu'on passe autant de Pink Floyd à Bon Jovi en allant même jusqu'à Ricky Martin. Donc, tu sais, c'est assez complet là, comme tour d'horizon, je te dirais, de la musique là, contemporaine qui nous a amené à devenir le groupe légendaire que nous sommes. Donc, on pourrait télécharger votre album et ne plus jamais acheter ou télécharger d'autres disques. C'est ce qu'on recommande, en effet, potentiellement aux gens. Là, pour avoir nous-mêmes fait l'erreur plusieurs fois d'acheter des albums des autres, je dois dire que c'est souvent des dépenses assez terribles, puis on voit jamais le bout de ça. Enfin, on le met en ligne pour que le monde soit préparé. Tu arrives à notre show préparé, si Broy connaît et tout. Fait qu'on le met là, c'est comme... je sais pas. Tu t'envoies d'une chorale d'après un tune avant. Ils sont dit de chanter pendant le show, t'as l'air épais, t'as pas écouté les tunes avant. Là, fait sûr. Qu'on va t'es donner. Là, ouais. Le monde dit pas vite. Rendu à ce stade-là de notre carrière, je pense qu'on accepte de moins en moins les publics pas rodés. Moi, je pense que c'est important quand tu viens à un show, t'es prêt, tu connais les tunes, tu sais quand est-ce le temps d'applaudir. Je pense que les gens maintenant vont voir des shows, on a l'impression que c'est pas grave puis que c'est pas de leur recours. Mais tu sais, t'es là, agis. Là, nous autres, on était écœurés de jouer devant des publics de newbies. Ça prend du monde, qui savent ce qu'ils font là. Fait que, écoutez tes tunes, pointe-toi, organise-toi, parle à du monde si t'as jamais vu de show, si t'es supposé savoir comment ça se passe. Là, ça semble fonctionner, puisque dans les trois dernières années, vous êtes venu à Trois-Rivières quelques fois, vous étiez au Temple la première année, après ça, vous êtes venu au Lundi de l'Humour au Manchester, puis là, vous rentrez au Cégep, dans le fond, dans le théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Yes. Quand même, ça fonctionne bien. Mais tu vois que le milieu de l'humour, ça n'a pas été long à investir pour nous autres. Hein? 2-3 ans, puis bing-bang, est-ce les grands honneurs, ça s'en vient assez bien. Là. Fait que justement, il y en a une coupe au top qui commence à capoter. Je pense, tu sais, on parlait de Rachid tantôt. D'ailleurs, on voulait féliciter pour son nouveau spectacle, Retardé. On était... Ouais. Retardé! Yes, sir, tout de bon. Ouais, voilà. Alors, mais je pense que ça en fait paniquer une coupe en haut de la chaîne. Mais je pense que ça montre que le travail acharné, que l'authenticité, ainsi que la consommation de produits licites de temps en temps, ne nuit pas à une carrière saine. Effectivement, votre carrière est très saine. Plus que notre alimentation, moi, t'avoue, notre carrière est beaucoup plus saine qu'un grilled cheese. Ouf. Je me demandais aussi si vous aviez un témoignage à faire à propos de Lou Reed, bien sûr, qui est décédé la semaine dernière. Est-ce que vous avez eu la chance de le côtoyer pendant votre carrière? C'est sûr que pour nous, c'est des moments très émouvants. Je pensais que Lou, on l'aurait perdu beaucoup avant. Donc, dans un sens, c'est quand même une chance qu'on a eue de le garder toutes ces années-là avec nous. J'aurais pensé en perdre d'autres avant. George Michael, peut-être Elton, par exemple. Des gens comme ça, même Paul McCartney, qui est encore là à chaque année à Québec. Mais écoute, Paul a été plus proche que moi de Lou, personnellement. Peut-être, je sais pas si tu veux faire un petit témoignage, Paul. Ouais, c'est parce que moi, j'aime bien ça. Lou, c'est nice. Ben, pas qu'il soit mort, mais en général, moi, j'ai toujours été comme bien attiré vers les sons. Puis Lou, il faisait pas mal de sons weird. Fait que moi, ça me parle bien gros parce que ben, je suis atteint d'une sorte de forme d'autisme musical. Donc moi, les sons et tout, ça me fait dresser les poils et les bouts. Fait que Lou, vive! M'a mourir, là, mais ouais. Vive, ouais, Lou. Ouais. Vive mort, Lou. Vive. Lou est mort, vive Lou. C'est ça. Et en finissant, je voulais vous demander, c'est une question qui m'est demandée souvent, en fait, quand les gens ont su que j'allais vous interviewer. Est-ce qu'il y a une chance, Ousmane, soit-elle, que vous reformiez moto un de ces jours? Écoute, il y a eu des discussions à ce niveau-là. C'est juste que quand on parle de grands projets d'envergure comme ça qui impliquent beaucoup de vedettes internationales, c'est difficile au niveau des horaires. C'est surtout les horaires, c'est ça. C'est les horaires, c'est aussi gérer tous ces égos-là en même temps. On ferme jamais la porte à moto, hein, parce que nous, ça sert à rien, ça va tellement vite que même si tu fermes la porte, ça se peut qu'elle soit déjà rentrée. Parce qu'il y a juste une petite vitre en avant, il n'y a pas de porte. Ça change rien, là, tu sais. Fait que, mais pour l'instant, je dois dire que c'est assez sur la glace, puis on sait que la moto sur la glace, c'est dangereux, donc. Effectivement, si on n'a pas des pneus cloutés. Voilà. Dans Schnout. Pour les gens qui ne sont pas au courant, Moto, c'est un groupe que Paul et Tony ont formé avec l'humoriste François Bellefeuille. L'illustre. L'illustre, oui. Ouais. Ouais. Il est illustré. Ouais. Très, très illustré. Ben oui, il est tout le temps dessiné partout. Ouais. Check son affiche de show. Exact. Oui, ouais. Tout est dans tout. Oui. En terminant, je me demandais si vous ne pouviez pas nous pousser une petite chanson. Ça serait très intéressant. On va non seulement la pousser, mais on va la jouer, puis on va repartir avec quand même. On va t'apprêter. Oh, oui. Puis à un moment donné, elle va se détruire là, après. OK, elle va s'auto-détruire. Elle va s'auto-détruire à un certain moment, puisqu'on va l'arrêter. Le tape va se désintégrer. Voilà, alors je pense que ce matin, on va vous lancer quelque chose quand même d'assez. Tu sais, on est quand même avant midi, on va se le dire quand on tape. Vous voyez, quelque chose de tranquille, quelque chose d'une reprise du groupe Wings. All right! Yeah! On n'a jamais vu de quoi ont l'air tes jambes, mais on assume qu'elles sont belles. Et tout le monde est d'accord que t'as le meilleur nom pour un lecteur de nouvelles. Bernard de Rome. Bernard de Rome. Ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. Bernard de Rome. Bernard de Rome. Bernard de Rome. Dans ta face, McCartney. All right, quelle belle reprise, messieurs. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. C'est vraiment génial. Big time. On rappelle que vous allez être au théâtre du Cégep de Trois-Rivières, donc dans le cadre de Unplug in New York à Montréal. On fait en du tournée. Théâtre à Star. Du théâtre, imagine. Hein? Toi. Après la musique, l'humour, le web, le théâtre. L'année prochaine, on sculpte. That's right. Incroyable. Alors, on vous dirait de ne pas manquer ça. Comme d'habitude, ça va être complètement cheese whiz. C'est le 29 novembre 2013 au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. C'est à 20h et on rappelle que vous avez toujours votre album 40 ans dans le champ qui est toujours disponible et aussi téléchargement internet pour l'album de Cover Your Ears. Cover Your Ears, qui est imminent. Si la mi-novembre, là, le temps que... Mi-novembre, je suis encore en train de checker quelques accords. Là. On n'est pas d'accord sur quelques accords. C'est donc, ça, voilà. Génial. On va se mettre d'accord et that's ensuite, right. Ça sera mélodieux. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. This is all shit. All shit. Yeah. Be Bowser. Bowser. Be Bowser. Boule de feu. Des briques. Be Bowser. Be Bowser. Un gars qui saute, des planches qui volent. Pis Bowser, du monde qui chante, du feu qui revole. Pis Bowser, la lave, des champignons, des scènes, grosses de même. J'en veux ça. Pis Bowser, pis Bowser, pis Bowser. Une princesse, un petit gars en champignon. Une princesse, puis Bowser. Les murs qui tremblent. C'est pas moi, c'est Bowser. Très juste deux vies, yeah. Puis Bowser. Boule de feu, boule de feu, boule de feu, boule de feu, boule de feu, boule de feu, boule de feu. Oh, pis Bowser! Une salopette, un casse rouge. Des tuyaux, pis Bowser! Warp, warp, warp to the next stage. Next, next stage. Bowser, le tableau dans l'eau. Les méduses, les poissons, pis le fond. Le monde de la neige dans le toit. T'as l'air d'être en extase. Ben oui, mais je capote. C'est ce qui prouve que Sexe Illégal peut faire quelque chose que j'apprécie. Ça arrive, ça se fait, ça. Donc, c'était Sexe Illégal et la pièce P. Bowser. Plus tôt, on a entendu en tout début d'émission une autre pièce qui était. Ben, je me rappelle plus du tout, c'est pas grave. On remercie Simon Fitzbé pour sa chronique, son entrevue avec Sexe Illégal. On rappelle le spectacle le 29 novembre à 20h au théâtre du Cégep de Trois-Rivières. C'est sur le boulevard La Violette. Donc, le duo Sexe Illégal qui promène son spectacle Unplugged en région. Et on remercie encore une fois Simon Fitzbé qui anime le vendredi matin. Album classique et que sa chronique dans Rock Classique. Sinon, ben, ça va être tout pour cette émission. On a déjà pris assez de temps dans votre journée. On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Je remercie Joanie Gagnon, Simon Fitzbé, David Ferron. Ben, ça m'a fait plaisir. Qui est resté jusqu'à la fin comme un vrai fiable. Yes! Restez à l'écoute pour l'émission Les Belles et les Belles qui s'en vient à 10h. Ensuite, le dîner de corps avec Danny Janvier. Je vais être de retour à 15h avec Stéphanie Paradis pour l'édition complète des Palmarès C'est Fou. À 19h, ce sera 13e étage pour de l'intro jazz éclectique. C'estfou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Bonne fin de semaine! Bye! Bye-bye! Bye, là! Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. Ah! Et rappelez-vous que tête qui roule n'amasse pas rousse. N'amasse pas rousse. Et on t'écoute dimanche soir à 17h pour brancher le monde, on l'a pas dit. Oui, c'est Musique du Monde, meilleur de la musique du monde, avec le top 5 également des meilleures chansons de musique de monde. Du monde. Musique pardon. De monde. Oui. La musique est pas du monde. Non, mais non, parce que c'est de la musique internationale. Voilà. Bye.